deux fées pour un cap. Non, il ne s'agit pas du titre d'un conte pour enfants, mais celui d'une grande aventure qui s'annonce pour Denis Orthez, Julie Sibiud et Ingrid Cormery. Deux fées pour un cap, c'est un rallye raid en 4x4 dans l'Est marocain en 6 étapes. Le challenge est tout à la fois sportif, humain et solidaire, comme nous le présente Julie au micro-colline de Karl Duquesnoy. Alors le moteur, il est plutôt lié à cette double dimension de, un, de dépassement de soi par la compétition, mais aussi d'aller s'essayer sur d'autres terrains, à la fois géographiques, mais aussi dans le domaine solidaire, dans le domaine, dans la rencontre de l'autre, dans le fait de sortir de sa zone de confort, en fait. Et si au passage on peut aider des gens, et bien c'est ça qui nous tenait à cœur, qui nous tient à cœur. L'épreuve organisée par la même structure qui chapeaute le rallye des gazelles revêt en plus une dimension caritative. Alors, il y a deux actions effectivement qui sont menées. La première est une collecte qu'on réalise du coup en partenariat avec des écoles locales. On fait une collecte de matériel scolaire et de puériculture qui, elle, sera destinée au bébé Resto du Cœur sur notre point de départ du côté d'Avignon. Et ensuite, la deuxième action solidaire consiste à rénover, participer à la rénovation d'une école au Maroc en partenariat avec la direction de cette école. Donc, à mi-parcours de nos étapes de compétition, on s'arrêtera, on prendra les pinceaux et on retapera cette école. 80 équipages francophones, 100% féminins, s'élanceront d'Avignon le 2 octobre prochain pour un raid de près de 1500 km à travers les pistes et les dunes. On imagine qu'un tel challenge sportif se prépare longtemps à l'avance quand on n'est pas aguerri à la conduite en plein désert. Alors, on n'est pas du tout pilote. Julie est chargée de communication dans une entreprise, chez un bailleur social. Moi, je suis infirmière, donc non, aucune notion, mais c'est pas grave. En fait, on a prévu des stages de pilotage pour se former. On a aussi prévu des courses d'orientation pour se familiariser avec l'inconnu, avec une boussole, avec un roadbook. Ça ne nous fait pas peur. On est prête à découvrir tout ça et à faire du mieux qu'on peut. Voilà, l'idée étant de partir et d'arriver au point final et d'apprendre lors de ces stages orientation, mécanique, de mettre les mains dans le moteur, ça nous fait pas peur, on va y aller quoi. Et pour en savoir plus et rencontrer Julie et Ingrid, vous pouvez les retrouver ce matin sur la placette des Halles à Niort. Ce point d'information et d'échange est aussi l'occasion de participer à une tombola et participer au financement de cette belle aventure humaine. De nombreuses TPE et PME sont déjà derrière elles. Le voyage ne fait que commencer pour les deux filles. Toutes les infos sur Facebook Team 179, deux fées pour un cap, ou ce matin sur la placette des Halles à Niort.